C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centraure, www.centraure.qc.ca ou Québec Pop via le québecpop.com, ainsi que sur ma page Facebook de Canrock, CAN-ROCK. Cette semaine, je vous parle de Bastion, l'album Bastion du groupe Pontex. Eh bien, premier opus pour cette formation francescoise qui étonne par l'intensité des pièces et l'énergie qui en découle. Bastion est le reflet de l'âme créatrice de Mario Lepage. Ce dernier se promène aisément entre un univers électronique et des élans progressifs teintés d'électropop et parfois de jazz fusion. Les textes sont quand même assez profonds et souvent sont livrés avec beaucoup de retenue, ce qui ajoute une texture particulière à la chanson. Je vous donne une adresse pour découvrir l'univers de Pontex, www.pontexmusique.net/français. Pontex Musique, c'est PONTEIXMUSIC.net/français. On va y aller avec une première plage. Pourquoi pas y aller avec la plage titre, la pièce titre qui n'est pas tellement longue, mais quand même assez intéressant. Et ça démontre pas mal le son de l'album. Ça démontre un peu l'univers profond, intense, parfois sombre, mais toujours intéressant à écouter, à entendre du groupe Pontex. Donc, l'album Bastion, disponible sûrement aussi à l'APCM, www.apcm.ca, pour vous procurer le disque ou aller sur le site que je vous ai nommé du groupe. Donc, voici Pontex et la pièce Bastion. Les plages qui m'ont le plus plu sur cet album-là, eh bien, la pièce titre qu'on vient d'entendre, un rock alternatif instrumental avec une voix à peine perceptible, presque une partition de clavier, là, c'est vraiment intéressant. Et ça donne, en fait, l'album s'ouvre avec ça et ça donne l'univers, l'atmosphère de l'album. On s'attend à du rock alternatif, progressif par bout, assez intéressant. Avec bonnes passes de clavier, tantôt rapide, tantôt mollo, mais toujours intéressante. Il y a la fourche avec ses orchestrations planantes, justement, et ses rythmes très, très modernes, très rapides. Donc, c'est assez intéressant. Et Faux Pas, qu'on va entendre dans quelques instants, qui est le premier extrait qu'on a lancé à la radio, qui est la chanson la plus pop du disque. Ça nous dévoile une belle orchestration très intéressante. Donc, Faux Pas, ça s'en vient dans quelques instants. Juste le temps de vous donner une adresse, qui s'appelle, c'est tout simplement pontexmusique.net/français. Je n'avais pas eu Son particulier au niveau de la Francescoisi, Bastion de Pontex, nous propose une alternative musicale originale, un univers électro-pop, rock, progressif, aux multiples nuances et atmosphères qui nous laisse pas indifférents. Tantôt planant, tantôt énergique, Bastion de Pontex est pour ceux qui recherchent un univers sonore inventif et intéressant. Donc, je vous invite à visiter son site internet qui est pontexmusique.net/français. Pontex Music, c'est pontexmusic.net/français. Vous pouvez aller aussi sur l'APCM, www.apcm.ca. Il y a sûrement moyen de trouver cet album-là ou encore sur les iTunes et compagnie. Donc, on va y aller avec une dernière pièce qui s'appelle tout simplement « Les éclats ». Voici Mario Lepage de la Saskatchewan avec son groupe Pontex. Jusqu'après les éclats, jusqu'à ce que l'on se noie, jusqu'à ce que l'on se nomme, jusqu'à ce que l'on se voit, on n'est que vaguement. À contre-courant, un moment. Maladie. On a débuté le bloc de l'Est Québec-Ontario avec tout simplement Vision Affaiblie, qui était le groupe de Matthew Granger au début, lorsque Matthew Granger était dans deux saisons. Il y avait un groupe rock aussi qui s'appelait Vision Affaiblie, qui n'ont pas fait d'album comme tel, mais ils ont participé à une compilation fort intéressante, SOS Montfort, avec une pièce que j'adore énormément, c'est tout simplement Toxicomanie. Bon riff de guitare, très entraînant et puis très énergique. Et c'est vraiment merveilleux. C'est tiré d'une compilation, comme je vous disais, de SOS Montfort, qui a été lancée par la compagnie Full Stereo, qui était la compagnie disque de M. Pierre Lamoureux de Brasse Camarade. Et sur cette compilation-là, il y avait en bref, il y avait Marcel Aymard, il y avait aussi, je pense, qu'il y avait Chuck Labelle, je pense, qui faisait partie de ça, Brasse Camarade aussi, donc plusieurs artistes. Et c'était vraiment intéressant comme compilation. Et je ne sais pas si c'est encore disponible. Il en reste peut-être une copie ou deux ici et là qui traînent un peu partout. Mais ça a vraiment, vraiment bien fait. Avec de l'excellente musique là-dessus. C'est vraiment agréable à écouter. Dont Vision Affaiblie et leur chanson Toxicomanie, que j'adore. Le riff vient me chercher. Le riff de guitare, très intéressant. Donc, bien le fun. Ce qui est bien le fun, c'est qu'est-ce qui s'en vient? C'est M. Michel Russell. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que non. Michel Russell, auteur, compositeur, interprète de la région de Québec, qui fait de l'excellente musique country, folk, folk rock. Et il travaille en solo. Hein? Il fait sa carrière solo comme ça lui plaît, comme ça y tente. Et partout où il passe, le monde dit « Hey, on n'entend pas ta musique à radio, c'est bien le fun, as-tu des CD? » Puis moi, j'ai travaillé 3-4 ans avec lui et c'était vraiment un gars très sympathique, bien le fun, avec ses potes, des super bons musiciens. Et c'est un gars très généreux, donc toujours là pour aider. Et puis, c'est le fun, ce gars-là, il fait de l'excellente musique. Allez le découvrir, michelrussell.com. La pièce qu'on va entendre, c'est « Tu voles mon âme », qui est une des pièces, une des excellentes pièces de l'album « Romeo Carey Blue », qui est sorti il y a quelques années, peut-être 2-3 ans de ça. C'est vraiment bien fait et vous allez voir, c'est très entraînant. Donc, vraiment de la très bonne musique. Donc, michelrussell.com. On va entendre aussi M. André Varin. Ça donne un autre, ça, qui est très sympathique, très humble, avec sa violoniste Marie-Claude. Ils connaissent beaucoup de succès. Ces derniers temps, ils étaient du côté de Calgary. Ça va très bien. Et son album qui est sorti, il y a peut-être un an et demi de ça, c'est l'album Belle Éclaircie, sur lequel on retrouve une pièce qui est presque désuet là, pour l'instant, là, parce que ça dit « Ça sent l'été ». On est à l'été, mais quand même, très intéressant comme pièce, très entraînant. AndréVarin.com, allez voir ça aussi. Il y a un nouvel album là, qui est « Le jardin des rêves ». Le jardin de la mémoire. Très bon album également. Donc, il fait de l'excellente musique country, M. Varin. Vraiment intéressant. Mais pour là, on s'en va du côté de Québec avec Michel Russell et puis ses potes. Il nous offre une chanson de l'album Romeo Carey Blue. Voici vraiment une excellente chanson country, folk, rock. Voici « Tu voles mon âme », Michel Russell. C'est le moment. Derrière la porte, y'a le couloir. Tu reprendras ta vie d'avant. Tu seras auprès de lui ce soir. J'ai senti ton souffle brûlant dans une chambre avec baignoire. Je suis rentré chez moi tout doucement. J'ai emprunté le même couloir. Mon âme a fendre mon c'est ne pouvoir mettre au grand jour notre amour devenu plus fort. Et tu partiras de ce court séjour, moi je fumerai ma clope dehors. Je rentrerai chez moi et comme toujours, j'emprunterai le même corridor. Tu voles mon âme, même quand je dors la nuit. Tu voles mon âme, ma forme, mon ennui. Emporte-moi avec toi dans ta vie. Sois sans crainte, je ne ferai pas d'ombre. J'entends le vent qui fait rage au dehors de cette chambre sombre. Tu retourneras là où est ta place en longeant toujours le même couloir. Mais je refuse de me voir dans la glace. Je préfère crever ce soir. Tu voles mon âme. Ma mère cogne des clous dans le salon. Quand mon père, pour digérer ses rides, ajuste les cordes de son violon. Quand du chassé de la cuisine, ma mère épie le bois repoussé. Quand mon père, on le devine, hérite de se reposer. Quand elle chante chagrin d'amour, ma mère vibre à demi-voix. Quand mon père, demain plus sourd, me raconte l'armée d'autrefois. Ça sent l'été truffé de neige, avec un frisson de juillet. Dedans ma tête passe un cortège, mes souvenirs m'emportent inquiets. Ça sent l'été sali de grêle, avec la bonne humeur chez nous. J'aurais prisé l'odeur du poêle, qui s'était caché du mois d'août. Quand les heures volent trop vite, ma mère jamais ne se détend. Quand mon père part des petites, en oubliant qu'elles ont 30 ans. Quand délicieusement fière, ma mère se dépense beaucoup trop. Quand mon père cherchant de l'air, a-t-elle son chien qui part au trot. Quand elle chante chagrin d'amour, ma mère vibre à demi-voix. Quand mon père, demain plus sourd, me raconte l'armée d'autrefois. Ça sent l'été frisé de pluie, avec les toits tout en musique. Flânant heureux et sans ennui, mes yeux fermés rêvaient au cirque. Ça sent l'été, vernis de soleil, avec de l'amitié fanée. Une amourette au clair de lune qui n'a pas suivi mes années. Ma mère feuillette mille pages. Quand mon père, pour nous faire rire, imite un ancien du village. Quand au nom de la vraie fatigue, ma mère s'endort dans le salon. Quand pour des rides élagiques, mon père s'amuse au violon. Ça sent l'été frisé depuis, avec le toit tout en musique. Flânant heureux et sans ennui, les yeux fermés rêvaient au cirque. Ça sent l'été, vernis de soleil, avec le don du magicien. De gâteries fleuries de miel, ma mère sucrait mon quotidien.